Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Duprès 1862. Question 20. De la soumission du Christ envers son Père. De quelle manière le Christ a été soumis à son Père? Comment on peut dire qu'il a été soumis à lui-même? 1. Le Christ a-t-il été soumis à son Père? Mon Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Le Sauveur a professé une triple sujétion à l'égard de son Père. Pour marquer que la bonté de la nature humaine est inférieure à la bonté divine, dont elle est une participation, il a dit, « Pourquoi m'interrogez-vous sur ce qui est bon? Dieu seul est bon. » Matthieu 19, 17. Il nous apprend par là, dit saint Jérôme, qu'un homme, si saint qu'il soit, ne saurait être appelé bon comparativement à Dieu. N'était-ce pas donné à entendre que, comme homme, il était inférieur à son Père? La seconde suggestion qu'il s'attribue consiste en ce que tout ce qui s'est accompli dans son humanité doit être regardé comme une disposition de Dieu son Père. Conformément à cette parole, la créature vous sert, vous qui l'avez faite. Sagesse 16, 24. Troisièmement, comme homme, il était soumis à Dieu son Père par sa volonté propre, ainsi qu'on le voit dans ses paroles prononcées par lui-même, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, 29. Une telle soumission apparut visiblement dans l'obéissance qu'il a pratiquée jusqu'à subir la mort, ce que l'apôtre exprime en ces termes, il s'est rendu obéissant envers son Père jusqu'à la mort. Philippiens 2, 8. Note. La soumission du Christ à l'égard de son Père ne peut s'entendre que de la nature humaine, mais il est mieux d'exprimer cette vérité par une restriction qui y conduise notre esprit, pour repousser l'hérésie d'Arius, qui prétendait que le Fils était absolument inférieur au Père. Fin de la note. 2. Le Christ était-il soumis à lui-même? Quand saint Augustin a dit que le Christ est soumis à lui-même, il n'a pas entendu qu'il y eut en lui deux personnes, l'une qui commande, l'autre qui obéit, il serait tombé dans l'hérésie de Nestorius, condamné au concile d'Éphèse. Il a parlé dans le sens de la diversité des deux natures réunies en une même personne. À ce point de vue seul, on peut affirmer, en considérant la nature divine, que le Christ domine et commande avec le Père, et, en considérant la nature humaine, qu'il est soumis à lui-même. Ainsi l'entendait saint Augustin. Observons, toutefois, que le nom de Christ, comme celui de Fils, désigne la personne divine elle-même, et que, par suite, on ne peut s'en servir d'une manière absolue que pour marquer ce qui convient au Verbe, qui est éternel. Dès lors, les attributs relatifs à la nature humaine doivent être accompagnés d'une explication quelconque. Par exemple, nous dirons simplement que le Christ est le très grand, le dominateur, le maître, et, avec une restriction qui portera notre pensée sur sa nature humaine, qu'il est sujet, serviteur et inférieur. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.